Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Eh bien, je vous parlerai tout au long de l'émission. Mathieu Plante sera avec nous et on recevra aussi la directrice du centre Raymond Lanier pour nous discuter d'une exposition qui a lieu présentement. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce jeudi 13 avril, à seulement 14 jours de la fin de l'année scolaire. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Je m'appelle Tania Beaudin. Dernière journée de remplacement complet de Mathieu Plante. Si tout va bien, si tout se passe comme il se doit, eh bien Mathieu Plante sera de retour avec nous dès mardi matin. Alors on a très hâte. J'aimerais aussi remercier Vanessa Parietter pour le remaniement de la chanson thème de l'émission. Et comme à chaque matin, eh bien je vous rappelle que si jamais vous voulez d'autres détails, c'est sur le www.assemblagerequis.com. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait avoir une invitée spéciale. Ça devrait se passer vers les 8h30 à l'émission. Donc, on va recevoir la directrice du Centre culturel Raymond Lanier qui va venir nous parler d'une exposition qui a lieu présentement à cet endroit. On va jaser avec elle. On va savoir qu'est-ce qu'il y en a un petit peu plus dans l'émission, un petit peu plus tard dans l'émission. On va aussi avoir la chronique habituelle téléphonique de Mathieu Plante, savoir comment il va chez lui. Est-ce qu'il est en train de ronger les bonnes mûres pour revenir au travail? Moi, je crois que oui, ça s'en vient dans pas long. ça devrait se passer vers les 9h, 9h15, comme à chaque matin. Et sinon, pour nous, eh bien, on va discuter un petit peu, puisque le jeudi, en temps habituel, c'est la journée où on fait une grosse pointe à l'adresse. Je vous avouerai que toute seule en studio, c'est un petit peu différent de pouvoir goûter à certaines choses. La semaine dernière, on en a fait une avec Mathieu qui était chez lui. J'étais accompagnée de David Ferron en studio. Mais aujourd'hui, ça sera pas la même chose, mais on va quand même discuter un petit peu alimentation. On va savoir quelles sont les tendances, justement, alimentaires. On va essayer de démystifier aussi cette fameuse allergie au gluten entre vous et moi, qui est quand même un petit peu plus propagée qu'est-ce qu'elle était il y a longtemps de cela. On va aussi parler végétalien. Donc, ce sont quelques petits sujets comme ça aujourd'hui dont vous allez entendre parler. Mais comme à chaque matin, eh bien, j'ai le goût de commencer l'émission avec un petit peu de musique parce que ça fait tout le temps du bien. Alors, on va aller écouter une nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est Timber Timber avec Griffin. Et au retour, bien, on discute alimentation. Clutches, touches, pushing, pulling, punches, rackets, bluffing, lunches, pulling off a fast one, riffing off the last one, reeling in the big one, fished in, fished in, grifting, grifting, grifting. Faking it to make it, never give, but take it, building trust through kindness to exploit the finest walls and bridges burning, time and table turning, double dipping, earning, lifted, lifted, grifting, grifting, grifting. Why do they Timber sur les ondes de Cifou dans l'assemblage requis ce matin. Vous avez peut-être remarqué, on va commencer ça comme ça, vous avez peut-être remarqué ma voix est un peu différente de hier matin. J'ai découvert que ces allergies dont je vous avais parlé, si je me souviens bien, c'est mardi matin, bien finalement c'est vraiment un rhume. Vous savez le fameux dicton en avril, ne te découvre pas d'un fil, sinon en mai tu auras la guédille au nez. Je ne sais pas si c'est ce dicton-là pour tout le monde. Moi je sais que ma grand-mère, c'est celui-là qu'elle me disait. Pourtant je me suis pas découverte, mais j'ai décidé un soir de dormir avec la fenêtre entrouverte parce qu'il faisait vraiment chaud dans ma chambre. Alors de ce côté-là, je me suis rendu compte que c'est peut-être plus ça qui s'est passé. On a attrapé le rhume de mon côté. Alors on se soigne bien, mais malade, pas malade, on fait ce qu'on veut et on anime à assemblage requis. C'est comme ça que ça se passe. Bon, hein? C'est comme ça, on est ensemble pour les deux prochaines heures. Et comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, on va parler un petit peu alimentation ce matin, puisqu'en temps normal, le jeudi, c'est justement la journée où on déguste des aliments ou certaines choses qu'on a découvertes à l'épicerie, Mathieu et moi. Et malheureusement, comme je suis toute seule, eh bien, aujourd'hui, je vais pas déguster quelque chose parce que ça serait un petit peu... à contresens que de vous donner simplement mon avis à moi quand j'ai pas personne pour pouvoir le faire avec moi. Alors, j'ai quand même décidé de jaser avec vous un petit peu d'alimentation, de nutrition. Et il y a des tendances, justement, de nutrition où qu'on va voir qu'il y a une certaine cote auprès des gens. Et il y en a quatre tendances à surveiller en 2017. Donc, la première, c'est les boissons chaudes qui sont anti-inflammatoires. On parle pas ici de café. Il y a rien de mal avec le café. Là, vous le savez, je suis une grande amatrice de café. Je pense que mon premier a été bu déjà il y a 15 minutes. Mon deuxième va s'en venir après l'émission. Donc, vous savez, la caféine, c'est directement dans les veines de mon côté. Mais cette année, les boissons riches en ingrédients qui sont anti-inflammatoires naturels, comme par exemple le curcuma ou le gingembre, eh bien, ça fait fureur. C'est vraiment bien, mais l'inflammation dans notre corps, c'est un spectre qui est large. Qu'il s'agit, par exemple, de problèmes de la peau, de ballonnements, de douleurs articulaires ou encore de maladies chroniques. Donc, si vous remplacez votre café du matin par un nouvel élixir santé comme par exemple le lait d'or ou un latté à base de lait de noix et de curcuma. On parle aussi du gingembre. Le curcuma, bien, c'est une plante vivace qui pousse en Asie du Sud et qui constitue justement l'épice principale du curry. Donc, la curcumine, qu'on appelle, qui est un pigment jaune, c'est un peu ce qui va donner la couleur, en fait, au curry. Bien, c'est extrait de la racine de la plante et c'est aussi l'ingrédient actif qui prédomine dans tout ça. Donc, pour fabriquer du lait d'or à la maison, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, c'est simple. On fait chauffer une tasse de lait de noix, donc que ce soit amande, noix de cajou ou noix de coco. On fait chauffer ça dans une petite casserole à feu moyen. Par la suite, on va ajouter de 2 à 3 cuillères à miel et 1/2 cuillère à thé d'extrait de vanille. Et par la suite, on va retirer du feu et on va verser ça dans un mélangeur. Par la suite, on va ajouter 1 cuillère à table de curcuma et 1 cuillère à table de gingembre frais. Et les deux vont avoir été soit séchés ou hachés. Et 2 cuillères à table de noix de coco et 1 pointe de cannelle. Par la suite, on mélange tout ça jusqu'à l'obtention d'un résultat qui va être mousseux et on va pouvoir déguster. Donc, ça va devenir une boisson chaude qui va être anti-inflammatoire. Par la suite, la deuxième tendance nutrition à suivre en 2017 ou à surveiller, bien c'est la commodité redéfinie. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, si vous vous êtes déjà surpris à partager, par exemple, des vidéos de 30 secondes qui présentent des recettes qui sont exécutées en un tournemain, ça circule un petit peu partout, que ce soit sur Facebook, il y en a aussi un petit peu partout sur YouTube, Instagram et, nommez-les, les réseaux sociaux où que ça se passe, eh bien, il y en a encore à dérouler l'application mobile la plus récente justement à la recherche d'un service de livraison de repas parce que vous êtes à court terme. Bien, il s'agit là que de quelques petits exemples qui illustrent la tendance à venir en matière d'aliments prêts à manger. Autrefois, le prêt à manger, ça constituait justement à réchauffer un plat qui était surgelé au micro-ondes pour le souper ou attraper encore une pointe de pizza après le retour du travail, mais rien de ça s'assimilait vraiment à une alimentation saine. Donc, la différence qu'on va pouvoir voir en 2017, c'est que le concept prend toute nouvelle dimension. Donc, qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là? C'est qu'intégralement, on va redéfinir et ça va rythmer aussi, ça va rimer désormais avec des recettes qui vont être saines, qui vont être délicieuses et qui vont surtout se concocter en quelques minutes. Donc, les repas qu'on sépare en portions pour toute la semaine, si vous êtes vraiment à court terme, là, il y a des ingrédients qui sont sains, qui sont biologiques, qui sont livrés à votre porte. Il n'y a pas de doute, manger santé, ça se décline de multiples façons, malgré le manque, bien évidemment, chronique qui nous affecte un petit peu tous. Là, on semble tous manquer de temps à un certain point. Par contre, malgré l'immense amélioration des choix santé accessibles, quand le temps file, bien, il y a certaines fois où justement le régime alimentaire va laisser à désirer. Et heureusement, bien, les suppléments multivitaminiques vont s'inscrire aussi dans cette nouvelle tendance-là qui vont réunir en une seule dose quotidienne 100% des vitamines dont votre organisme a besoin. Quand on mène une vie qui est quand même bien remplie, eh bien, on doit prendre un supplément vitaminique la plupart du temps qui va être quotidien et ça va être un moyen simple et pratique aussi de combler les carences qui vont être nutritionnelles qui peuvent aussi apparaître dans notre alimentation. La troisième tendance dont on doit surveiller en 2017, eh bien, c'est la santé digestive qui va faire la une. Parce que la santé digestive, autrefois, c'était quand même assez tabou. Aujourd'hui, c'est sur toutes les lèvres. Je pense que tout le monde peut parler de la santé digestive sans avoir une espèce de malaise. Et les recherches et les connaissances sur le rôle de l'appareil digestif dans notre santé, bien, ça a vraiment explosé ces dernières années. Et les aliments qui nourrissent justement l'intestin ont un sujet de discussion qui est quand même assez inépuisable sur la scène la santé. Donc, on parle entre autres des probiotiques, qui sont des bactéries qui sont saines, qui vont profiler dans le tube digestif et qui vont prévenir les infections et veiller à la bonne santé de notre système immunitaire. On parle aussi du yogourt enrichi, tu sais, les fameux ferments actifs, qui est connu depuis longtemps quand même comme une source de probiotiques. Donc, on observe un virage vers des aliments qui vont être fermentés, qu'on prépare à la maison ou encore qu'on achète à l'épicerie comme moyen d'obtenir un plus grand nombre de ces bonnes bactéries-là. Et la fermentation, bien, c'est une ancienne technique de préservation des aliments qui a longtemps été utilisée, par exemple, pour augmenter la durée de conservation des produits et des saveurs. Donc, on parle entre autres du kombucha, le kimchi, le miso, la choucroute, les légumes marinés, ça aussi, les kéfirs, ben en fait, ce sont tous des aliments qui sont fermentés, qui sont bien connus, que la plupart ont déjà entendu parler et qui sont naturellement riches en probiotiques. Quel résultat est-ce que ça fait si on consomme ça? Eh bien, si on les consomme aujourd'hui beaucoup plus largement, eh bien, jetez un œil au menu lorsque vous allez au restaurant ou encore sur les tablettes de votre épicerie parce que vous allez en trouver en plus grand grand nombre et ces mets-là vont justement être uniques. Ça va faire des miracles pour votre santé digestive, mais on va quand même être honnête, c'est parfois ardu et encore, si vous avez des goûts un petit peu difficiles, ça peut parfois être encore plus difficile d'ajouter assez souvent ces types d'aliments-là à notre régime alimentaire. Je veux pas nécessairement dire régime alimentaire, je veux plus dire... habitude alimentaire, voilà, pour qu'on soit vraiment efficace. Donc, si c'est votre cas, eh bien, un supplément probiotique va probablement régler la question. Il y a plusieurs sortes de suppléments probiotiques qui sont justement à votre portée. Donc, faites une petite recherche à savoir qu'est-ce que vous voulez exactement. Et c'est sûr et certain que vous allez trouver quelque chose qui va subvenir à vos besoins. Voilà. La quatrième tendance, eh bien, c'est la viande. Mais... à quel point est-ce qu'on parle de la viande dans cette tendance-là pour la nutrition en 2017? Eh bien, on dit que la viande s'est dépassée et les protéines végétales prennent le relais. Donc, tout a commencé, en fait, avec le mouvement Lundi sans viande. Et aujourd'hui, eh bien, ça semble que les protéines végétales vont être là pour de bon. Le temps où la totalité des protéines alimentaires provenaient de la viande, par exemple le poisson, la volaille, les produits laitiers, s'est révolu un petit peu. On en voit de moins en moins. Et désormais, eh bien, les protéines végétales se trouvent pas nécessairement uniquement dans nos collations et nos plats d'accompagnement, mais aussi dans les plats de résistance de notre dîner ou de notre souper. Donc, pensez un petit peu protéines de chanvre qui composent les poudres justement à smoothie ou encore les barres alimentaires. Vous pouvez aussi penser aux boissons qui sont sans produits laitiers, donc des laits d'amande, des laits de noix de cajou. Vous pouvez penser aussi aux noix, au tofu, sans oublier bien sûr les salades, les soupes et les autres plats qui contiennent des légumineuses qui vont être sèches, comme par exemple des haricots, des pois chiches et des lentilles. Cette tendance-là est un peu onéreuse et facile aussi à adopter dans notre cuisine. Ça s'ajoute vraiment facilement à notre habitude alimentaire et le régime alimentaire à base de plantes semble franchement présentement trouver profond écho auprès de la population. En effet, parce que c'est bon pour nous, c'est bon pour la planète puisque ça rime avec durabilité et protection des animaux aussi. Donc, on va espérer à un certain point que cette fameuse tendance-là va persister. C'est sûr que si vous envisagez un régime à base de plantes cette année, pensez à prendre un supplément, par exemple, de vitamine B12, parce que c'est une vitamine qui est essentielle au maintien d'une fonction nerveuse et aussi du niveau d'énergie. Et la vitamine B12, eh bien, se trouve uniquement dans des sources animales et dans les aliments qui sont enrichis. Donc, pour choisir le supplément de vitamine B12, eh bien, consultez soit votre pharmacien ou encore votre expert à la santé, puis il va très bien pouvoir vous expliquer qu'est-ce que c'en est un petit peu. Ce sont les quatre tendances qu'on doit surveiller en 2017. Vous allez voir, apparemment, c'est ce qui va être tendance. Je vous pose la question, est-ce que vous croyez que vous allez avoir de la facilité à pouvoir faire tout ça? Est-ce que vous allez le faire, tout simplement? Allez sur la page Facebook d'Assemblage Requis, répondez à ma question. Je vais aller même moi-même poser la question sur la page Facebook. J'aimerais entendre justement ce que vous en pensez, à savoir les tendances alimentaires, ce qui change un petit peu, pas mal un peu partout, disons-le, comme ça on va être franche. Et au retour, parce qu'on va aller, on va aller en pause musicale, on va aller écouter une autre entrée anglophone, on va aller écouter Ty Segall avec Black Magic. Et au retour, eh bien, on va discuter végétalien. My candle, the wax is almost dry. I'd like to show you before we say goodbye. Doesn't matter at all, 'cause I've met the man who understands me down. Most honest, black magic. Black Magic, Ty Segall, nouvelle entrée du palmarès anglophone, comme je vous le disais avant d'aller l'écouter. C'est très bon, j'adore ça. Ça s'écoute bien le matin comme ça, c'est pas trop agressif, on adore. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait parler végétalien un petit peu, parce que j'ai fait la découverte, en fait, ça fait quand même trois ans et demi, mais j'ai fait la découverte de viande végétalienne et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'on peut trouver d'autres choses qui est végétalien? Qu'est-ce que le végétalisme? Donc, je vais quand même essayer en quelques minutes de répondre à ces petites questions pour vous, parce que le végétalisme, en fait, on a souvent tendance à le confondre avec les gens qui sont végétariens. Donc, pourtant, il y a une petite différence qui existe parce que le végétalisme, c'est une pratique alimentaire qui exclut les produits animaux comme la viande, le poisson, les crustacés, les autres mollusques aussi, mais aussi les sous-produits d'origine animale, donc les produits laitiers, les œufs, la gélatine et aussi parfois le miel. Les végétaliens, en fait, consomment uniquement des aliments qui sont de type végétal, fongique, donc les champignons, levure, tout ce qui est aussi bactérien, les bactéries lactiques comme le bifidus dans le soya qui va être fermenté. On parle aussi de sel, de sodium, de potassium, de calcium et... C'est la plus grande différence entre le végétarisme et le végétalisme, c'est qu'on y va vraiment beaucoup plus poussé en source de ce qui est origine animale qu'on ne va pas consommer dans notre alimentation habituelle. Donc, qu'est-ce que les viandes végétaliennes? Eh bien, il y a plusieurs articles qui sont sortis là-dessus, mais il y a des végés qui ne sont pas censés, tu sais, on se pose la question, on n'est pas censé boycotter la viande, c'est quoi qui se passe? C'est quoi l'intérêt de se priver de viande puis d'essayer par tous les moyens de reproduire ce fameux goût de viande-là? Bien, la réponse est simple, c'est qu'il y a vraiment de nombreuses raisons de devenir végétarien ou encore végétalien. Et le dégoût pour la viande, c'est pas simplement la raison qui va faire en sorte que quelqu'un va arrêter de manger de la viande. Il faudrait pas stéréotyper tout le monde. Et pour plusieurs, bien, on est végétalien pour des raisons éthiques. Par exemple, parce qu'ils estiment qu'il faut diminuer notre empreinte environnementale. Il y en a d'autres qui estiment qu'il faut pas commettre de violence envers les animaux sans nécessité. Mais il y a toujours cette espèce d'adoration vers la viande, mais on décide de faire un changement alimentaire pour nos propres valeurs. Donc, il existe quand même une manière de joindre notre goût à nos valeurs et certains omnivores connus et continuent quand même de trouver ridicule l'idée d'imitation de viande. Pourquoi est-ce qu'on cherche la copie lorsqu'on peut avoir l'original? Bien, du point de vue vegan, en fait, c'est l'inverse qui est ridicule. Pourquoi tenir à tout prix à ce que des animaux soient tués pour qu'on puisse satisfaire nos plaisirs gustatifs? Donc, il y a comme un gros débat entre les gens qui sont végétaliens et les gens qui ne le sont pas. Je vais vous avouer que je ne suis pas végétalienne. Je consomme de la viande. Par contre, j'essaie d'en consommer beaucoup moins, tout simplement pour ma santé. Et grâce à la technologie et aux découvertes culinaires, bien, on a quand même pu trouver des manières qui sont fort impressionnantes de justement pouvoir reproduire l'expérience de la viande sans les conséquences qui sont indésirables. Donc, à quoi est-ce que ça sert de manger l'original? On tient tant que ça à polluer, à faire souffrir, blablabla. C'est toujours des questions qui reviennent et on pourra toujours penser, en fait, que le goût n'est pas exactement le même ni que ça a exactement la même valeur nutritive, peut-être. Mais peu importe, il y a des produits qui sont intéressants en soi et pour la petite différence, bien, ça devrait pas... Ça fait vraiment en fait le poids du couteau environnemental et éthique de la viande authentique et un peu d'ouverture d'esprit, bien, ça déçoit jamais nécessairement les gens. Donc, en même temps, manger des imitations de viande, c'est en rien nécessaire au végétalisme. C'est pas quelque chose qui va ajouter. Il y a plusieurs personnes qui sont vegan qui ont développé un dégoût pour la viande et on n'apprécie pas lorsque justement ces fameuses imitations-là ressemblent trop aux produits originaux. Mais pour les autres, il y en a qui adore et à condition de ne pas manger tout le temps parce que c'est effectivement, tu sais, c'est quand même salé, c'est gras et parfois ça peut être dispendieux aussi. Donc, il s'agit de plats faciles qui vont être préparés et très utiles lorsqu'on manque d'idées. Donc, pour le plaisir, bien, il y a quelques marques en fait qui disposent de viande végétalienne. Et par exemple, ici au Québec, celle qu'on peut voir le plus souvent, bien, c'est la compagnie Yves Veggies qui produit par exemple des saucisses à déjeuner, des boulettes d'hamburger, on a aussi du bacon, on a des tranches pour sandwich, on va avoir des brochettes de poulet. Généralement, en fait, ces viandes-là vont être faites à base de protéines de soya. C'est pas tous les produits qui vont être végétaliens pour la compagnie Yves Veggies. Donc, il faut faire attention. Il y en a certains qui contiennent des produits laitiers ou des œufs. Donc, si vous êtes vraiment végétalien et que vous regardez gros ce que vous allez manger, bien faites attention. Il faut vraiment regarder la boîte et l'emballage. Mais il s'agit quand même d'une marque qui est extrêmement répandue un petit peu partout au Québec. C'est pas nécessairement la meilleure, mais elle dépanne particulièrement. Et ce que j'ai pu remarquer au cours des années, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quasiment 3 ans maintenant lorsque j'étais en appartement, ce sont des viandes qui, en temps normal, vont être beaucoup plus hautes en protéines que les viandes normales avec beaucoup moins de gras à l'intérieur. Donc, c'est pourquoi je trouve qu'à un certain point, ça peut être une bonne chose aussi. C'est qu'on va voir ces différences-là et ça va faire une différence sur notre alimentation aussi. Si on y va avec une autre marque, eh bien, il y a le Garden aussi qui font des produits, par exemple, d'ailes de poulet, des croquettes, on a des filets de poisson, on a des boulettes d'hamburger. Donc, tout ça, c'est encore une fois végétalien. Et c'est souvent Garden qui va fournir le produit de menu bleu. Vous savez, ces fameuses boîtes bleues qui dit que c'est une meilleure alimentation du choix du président et tout ça un petit peu partout au Québec. Eh bien, c'est disponible, par exemple, chez Loblaws, chez Maxi, chez Provigo. Donc, ça signifie que c'est beaucoup moins cher et, encore une fois, vérifier le nombre de protéines versus le nombre de gras que vous pouvez retrouver à l'intérieur de tout ça. Et souvent, souvent, vous allez retrouver ce fameux petit goût-là que vous aimiez de la viande, mais vous voulez faire un changement à votre alimentation. Vous voulez peut-être juste mieux manger, faire des changements aussi pour l'environnement, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ça peut faire cette différence-là et vous allez quand même aller chercher cette fameuse protéine-là. Parce que la plupart du temps, c'est fait à base de protéines de soya. Donc, vous allez quand même retrouver tout ça. Et moi, je trouve ça vraiment le fun. Je me suis posé la question par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui peuvent être végétaliens, autres que la fausse viande et tout ça? Bien, je suis tombée sur un produit qui, franchement, m'a fait quand même avoir quelques réactions. On parle de vin végétalien. Il existe des vins qui sont végétaliens, comme beaucoup. En fait, vous vous dites probablement qu'un végétalien peut se détendre tranquillement avec un verre de vin rouge en rentrant du travail. Mais comment est-ce qu'on pourrait trouver des produits animaux ou des sous-produits d'origine animale dans du vin? Est-ce que c'est un produit à partir du raisin? Est-ce que c'est la fermentation? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que les tonneaux sont en chêne? En fait, il n'y a rien qui peut nous indiquer qu'il y a des animaux qui auraient été utilisés pendant l'élaboration d'une cuvée. Donc, qu'est-ce que le vin vegan? Bien, on peut quand même constater que des vins qui affichent sur l'étiquette être vegan friendly, donc amis des vegans quasiment, ce qui soulève une question concernant justement l'élaboration des autres vins. Quels sont les produits qui ont été utilisés dans le vin qui peuvent le rendre non vegan? Par exemple, on a le collagène qui est l'ennemi quasiment numéro un des végétaliens, donc pendant la vinification, le vin doit subir en fait un traitement qui va être spécifique pour le clarifier et c'est ce qu'on appelle le collage. En fait, l'objectif de cette opération-là, c'est d'éliminer les particules qui sont en suspension grâce à certains produits et le collage permet aussi d'améliorer la limpidité, la stabilité et aussi les propriétés gustatives du vin. Donc, les produits utilisés, bien, une majorité des vins qui subissent ce processus de clarification-là. Donc, il faut donc faire attention au verre de votre ami végétalien lorsque vous l'invitez à dîner, par exemple, ou il peut faire attention par lui-même aussi. Mais il y a des produits qui sont utilisés, dont, par exemple, le blanc d'œuf. C'est un ingrédient qui est souvent utilisé pour coller les vins et c'est d'ailleurs l'origine des cannelés bordelais. Donc, il fallait bien se servir des jaunes, mais techniquement, le vin est donc végétarien et non pas végétalien. Par la suite, on peut retrouver aussi la colle de poisson. Donc, l'utilisation est la même que celle d'un blanc d'œuf, mais cette fois-ci, la colle de poisson, c'est d'origine 100% animale, vous le savez. Donc, c'est un ingrédient qui est fabriqué en fait en faisant fondre de l'eau la peau du poisson, la tête et aussi les arêtes de poisson. Il y a aussi la gélatine qui est un ingrédient qui peut être ajouté à certains vins rouges qui vont être très tanniques pour adoucir la texture du vin et on peut aussi être utilisé pour le collage et le filtrage du vin. Donc la gélatine, c'est issu des peaux et des os des animaux. On a aussi le PVPP pour le polyvinylpyrrolidone. Oui, c'est un... J'avais l'impression de dire une formule d'Harry Potter. C'est un produit en fait de synthèse qui a une très forte affinité avec des polyphénols. Ça permet de gommer aussi l'astringence des rouges jaunes, l'amertume, la couleur jaune des vins blancs et c'est souvent associé aussi à la caséine. Qu'est-ce que la caséine? Bien, la caséine, c'est utilisé pour le collage du vin. C'est issu du lait, en fait. C'est comme pour le blanc d'œuf. Le vin va obtenir donc un vin végétarien et non végétalien. Et il y a aussi l'albumine de sang animal. C'est un produit qui est interdit, en fait, dans l'Union européenne depuis 1997. Parce qu'il y a eu la fameuse crise de la vache folle, oui, mais vous pouvez toujours en trouver dans des vins de millésime antérieurs et c'est utilisé pour coller le vin. Par contre, cette méthode-là est un petit peu moins utilisée parce qu'il y a des vignerons justement qui utilisaient plus souvent l'albumine contenue dans les œufs pour pouvoir faire leur vin. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir si un vin va être végétalien ou non? Bien, c'est là que tout va se compliquer, en fait, parce que depuis 2012, il y a un règlement européen qui oblige les vignerons justement à mentionner sur leur étiquette ou les contre-étiquettes la présence de lait, d'œufs et de produits à base de un ou l'autre afin justement de pouvoir prévenir les risques d'allergie à certains produits chez les consommateurs. Par contre, la colle de poisson, la gélatine, bien, c'est pas concerné dans cette fameuse réglementation-là et c'est quand même rare de pouvoir constater l'application de ces produits-là à l'intérieur d'un vin. Donc, pour être considéré comme un vin végétalien, le vin doit être collé à la bentonite, qui est une colle minérale qui est utilisée principalement pour les vins blancs et ne pas tout simplement avoir été collé du tout. Donc, un vigneron qui va pas... qui se cachera pas de pas coller ses vins. Donc, il y a des très grandes chances que l'étiquette mentionne justement que le vin est vegan-friendly ou non collé. C'est un petit peu la même chose pour un vin bio qui a plus de chances d'être non collé que d'autres vins plus traditionnels. Et le collage à la bentonite, c'est le seul qui est autorisé par le vin cachère parce qu'il y a des produits d'origine animale qui sont considérés comme impurs ou qui peuvent pas être mêlés au vin. Donc, en achetant un vin cachère, vous aurez probablement la certitude que le vin est consommable par un végétalien. Il y a aussi les vins qui sont naturels, qui sont souvent ni collés ni filtrés. Par contre, il n'y a aucune réglementation qui existe pour les vins naturels. En règle générale, les producteurs vont limiter au maximum le nombre d'intrants. Et il y a de nombreux vignerons aussi qui nous font remarquer que les produits de collage sont éliminés lors de la filtration, sauf que peut-être d'infinies quantités de ceux-ci peuvent s'aventurer quand même jusqu'à la fin de la conception du vin. Donc, il existe des vins qui vont être végétaliens. Surtout, demandez à votre ami de la SAQ, si jamais vous allez à la SAQ et vous demandez si le vin est friendly, vegan friendly ou non. Et surtout, lisez les étiquettes des bouteilles de vin. Peut-être est-ce que ça peut vous être utile. Au retour de la pause, eh bien, on va continuer probablement à parler alimentation. Tout ça dans l'assemblage Reiki. Vous êtes assez fou. 89.1. Vous êtes toujours dans l'émission matinale Assemblage requis sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Journée où on parle en temps habituel de nourriture, Mathieu et moi. Alors, je me suis lancée dans cette fameuse lancée-là aussi. Nutrition, tout ça, les tendances alimentaires, oui, pardon, les végétaliens, le gluten. On va y arriver dans quelques instants. Mais avant ça, je me suis dit, pourquoi pas aller écouter deux pièces francophones. Oui, deux. Je vous offre un bloc musical ce matin. Parce qu'on a quand même entendu deux pièces anglophones depuis le début de l'émission. Mais là, je vais vous faire écouter une nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est Hope avec Embarcadère et on va aussi entendre Gabriel Noël avec les 7 juin tout de suite après. Postage. sorcières, tous ces mots qui nous font la guerre, tous ces rires à la dérive. On s'oubliera au bout du lit, en croyant à tous nos essais. Toujours sur les ondes de Cifou 89.1 FM pour l'émission Assemblage requis. Dans quelques instants, eh bien, on va avoir la responsable du centre Raymond Lanier avec nous pour discuter d'une exposition qui est à Trois-Rivières, mais qui n'était pas nécessairement tout le temps à Trois-Rivières non plus. Donc, dans quelques instants, ça va se passer. Mais avant ça, je voulais vous parler un petit peu d'alimentation encore une fois. Donc, tout à l'heure, on a parlé de végétarisme et de végétalien aussi. Et je ne sais pas si vous êtes au courant. Je crois que la plupart d'entre vous le savent. C'est un petit peu partout sur Internet. Il y a plusieurs plusieurs gens aussi qui se déclarent allergiques maintenant au gluten. Mais il y a une nouvelle qui est sortie récemment sur justement cette allergie au gluten-là qui pourrait être déclenchée par un virus, en fait. Donc, c'est un virus qui est généralement inoffensif, pourrait déclencher une allergie qui est durable au gluten et aussi provoquer la maladie cœliaque. C'est une pathologie auto-immune, en fait, qui affecte l'intestin grêle. C'est une révélation qui a été faite à la suite d'une étude qui a été publiée dans la revue américaine Science. Donc, cette découverte-là, elle met en lumière, en fait, le rôle qui est apparemment important des infections virales dans les maladies auto-immunes, puisqu'il y a un virus qui est aussi suspecté dans le diabète infantile de type 1. Donc, ça ouvre aussi à d'autres questionnements par rapport à tout ça, et ça ouvre aussi la possibilité qu'il y ait des vaccins qui puissent un jour prévenir ces fameuses maladies, selon certains chercheurs. Et chez les personnes atteintes de maladies cœliaques, qui touchent un Nord-Américain sur 133, donc c'est quand même beaucoup si on regarde ça comme ça, bien, l'ingestion de gluten qui est issue du blé, du seigle ou encore de l'orge, eh bien, ça provoque une réaction qui est immunitaire, qui est anormale, surtout dans l'intestin grêle, et ça crée aussi une inflammation qui va justement aller endommager la paroi intestinale. Donc, il y a plusieurs personnes dans les dernières années qui se sont déclarées justement allergiques au gluten. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on entendait tout le temps il y a quelques années. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi, quand j'allais à l'école, c'était pas mal plus l'allergie aux peanuts que l'allergie au gluten. Et le seul traitement qui est disponible présentement pour les gens qui sont allergiques au gluten, bien, c'est de tout simplement d'éviter d'en consommer. C'est une étude, en fait, qui montre clairement qu'il y a un virus qui n'est pas cliniquement pathogène, qui peut être justement néfaste pour le système immunitaire, et ça crée des conditions qui favorisent un trouble auto-immune. C'est parce que la différence entre, par exemple, ne pas manger des peanuts et ne pas manger du gluten, elle est quand même grande. Trouver des aliments sans arachides, sans peanuts, ça semble quand même assez facile si on compare ça à ne pas consommer de gluten. Donc, l'étude montre que certains virus intestinaux sont appelés rhéovirus et qui peuvent aussi faire surréagir le système immunitaire au gluten. C'est une protéine qui est difficile à digérer. On a fait quelques tests chez des souris, en fait, et c'est rhéovirus humains ont déclenché une réaction inflammatoire et la perte aussi de tolérance orale au gluten. Donc, sous une autre souche de ce fameux virus-là, qui est quand même proche, génétiquement différente, bien, il n'y a aucun effet. Et le rhéovirus, bien, ça provoque un fort accroissement aussi des anticorps dans l'intestin, ce qui peut affecter de manière quand même permanente le système immunitaire à justement ouvrir la voie à une réaction qui va être excessive au gluten. Et la plupart des enfants, bien, mangent leurs premières céréales, justement, qui contiennent du gluten vers l'âge de 6 mois. Et quand leur système immunitaire est encore vraiment très vulnérable aux virus et aux autres agents pathogènes, bien, c'est souvent là que ça va se créer sans nécessairement savoir que notre enfant peut souffrir, justement, de cette allergie-là. Donc, pendant la première année de vie, bien, le système immunitaire va continuer à se former. Ça va aussi laisser certains enfants avec des caractéristiques génétiques particulières qui vont être beaucoup plus sensibles à ces fameux virus-là. Et ça peut laisser des séquelles intestinales qui vont être durables. Donc, c'est la raison pour laquelle on pense qu'avec un avantage d'étude, ça pourrait être judicieux, en fait, de penser à pouvoir vacciner des enfants qui aient un risque élevé de développer la maladie cœliaque et qui pourrait, à un certain moment, nous empêcher de tout simplement créer cette allergie-là dans notre propre système immunitaire. Il y a plusieurs études aussi et plusieurs recherches qui ont été faites à savoir qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux sur le gluten. Il y a quelques années, il y avait le fameux régime Montignac. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, je me souviens, j'avais des tantes qui faisaient ce régime-là. C'était pas de pâtes, pas de pain, pas de patates, si je me souviens bien. Et il y a un système de restriction alimentaire qui s'abreuvait justement de toutes sortes de théories sur les index glycémiques et aussi d'autres principe qui avait comme effet de compliquer l'alimentation, et par le fait même, ça amenait certaines personnes à suivre sans moins bien manger, tout simplement. Et parfois, bien, on arrivait à une perte de poids qui était quand même assez excessive. Donc, si on compare, en fait, le gluten au régime Montignac, bien, il y a certaines personnes qui prennent ce fameux régime-là sans gluten, sans nécessairement avoir d'allergie. Et c'est un petit peu ce qui vient, justement, faire hisser les oreilles de certains chercheurs. C'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de suivre un régime sans gluten si on n'est pas allergique au gluten, parce que ça peut venir à un certain moment défaire notre système immunitaire si on est correct avec, avec cet aliment-là. Donc, ça pourrait amener quelques problèmes. Et face à la mode aussi des produits qui sont sans gluten, il y a la Fédération américaine de cardiologie qui a publié jeudi une étude qui faisait justement le lien entre ce régime d'exclusion-là et un risque beaucoup plus élevé de diabète de type 2 après avoir suivi 200 000 personnes pendant 30 ans. Donc, si on ne souffre pas de cette maladie qui est cœliaque-là, qui est 1% de la population aux États-Unis, là, c'est pas très gros comme chiffre, bien, il y a un véritable, ni d'un véritable, en fait, allergie au gluten. Il n'y a pas de raison de s'en passer parce que, pour le moment, aucune étude scientifique a prouvé qu'il y a un réel bienfait pour la santé à tout simplement supprimer le gluten de notre alimentation. Donc, il y a des chercheurs de l'Université Harvard qui ont étudié avec 3 études qui ressemblent à rassemblant 200 000 personnes sur 30 ans. Bien, on a étudié l'effet sur la santé justement de ce type de régime-là chez des personnes qui n'avaient pas de recommandation médicale qui leur interdisait de manger du gluten. Et les résultats publiés par la Fédération américaine de cardiologie sont sans appel. Donc, les personnes qui ont consommé oui, régulièrement du gluten en moyenne, on parle de 5,8 grammes par jour, eh bien, on avait un risque inférieur de développer un type 2 de diabète. Donc, à l'inverse, les chercheurs ont constaté que celles qui privilégiaient justement les produits sans gluten consommaient moins de fibres complètes, qui est connue pour abaisser le risque de diabète lorsqu'on n'a pas d'allergie. C'est sûr, si on a une allergie, allez pas manger du gluten tout simplement pour pas avoir de diabète de type 2. C'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Mais si on n'est pas allergique, il n'y a rien de mal à pouvoir consommer du gluten et il n'y a rien qui prouve non plus que c'est une bonne chose de ne pas en consommer si on est tout simplement pas allergique. On va faire une courte pause et comme je vous le disais tout à l'heure, au retour, on va discuter avec la responsable du centre d'exposition Raymond Lagnier, Mme Marie-André Levasseur. C'est fou, 89.1. Sur les ondes de Sifu 89.1 FM dans l'émission matinale Assemblage requis. J'en ai parlé à quelques reprises depuis le début de l'émission, mais on reçoit la responsable du centre d'exposition Raymond Lagnier, Mme Marie-André Levasseur, qui est en studio avec moi. Bon matin! Bon matin! Mme Levasseur, est-ce que vous me permettez de vous appeler Marie-André? Bien sûr! Marie-André, de quoi est-ce qu'on va parler ce matin? Donc, une exposition d'envergure qu'on a au centre d'exposition Raymond Lagnier qui s'appelle La question de l'abstraction, qui est une exposition itinérante du Musée d'art contemporain de Montréal qui a lieu en nos murs jusqu'au 21 mai. Exactement. Vous venez tout juste de le dire, ça a été à Montréal aussi. Est-ce que la réponse à Montréal a été aussi grande que ce que vous vous attendiez? Bien, en fait, c'est des œuvres qui appartiennent au Musée d'art contemporain de Montréal, donc qui sont dans leur collection, mm-hmm. qui nous ont prêté. Donc, okay. C'est leur expo à eux qui vient à Trois-Rivières. C'est des œuvres d'art qui ne sortent pas habituellement ou fréquemment, du moins, des murs du Musée d'art contemporain de Montréal. Donc, c'est sûr que pour nous, on trouve que la réponse est vraiment très, très bonne. Si on compare dans la même période donnée de l'année dernière, on a doublé l'achalandage. Okay. Fait que c'est sûr que les visiteurs ont accès à des œuvres d'art, je vous dirais, qui font partie du patrimoine culturel du Québec. Donc, les grands noms de l'art contemporain, mais mm-hmm. surtout les grands noms des peintres abstraits, si je peux dire, sont là. Donc, on y a accès de façon gratuite parce que l'accès au centre d'exposition, c'est gratuit. On a une certaine proximité aussi avec les œuvres qui nous amènent à apprécier, je dirais, encore plus l'expérience de visite. Mais vous parlez justement d'art abstrait, c'est vraiment ça qu'on peut voir. Donc, est-ce qu'il y en a un petit peu en même temps pour tous les genres? Parce que l'abstrait, c'est vraiment large comme type d'art. Ben exactement. Ben en fait, comme l'exposition parle de la question de l'abstraction, donc c'est vraiment l'abstraction dès les débuts au Québec, donc l'effervescence avec Bordua, Riopelle et les signataires du Refus global, donc les années 40. C'est jusqu'aux années 2000. Okay. Donc oui, il y en a pour tous les goûts parce qu'il y a des œuvres qui sont, exemple, des plasticiens qui sont davantage géométriques versus les automatistes, que c'est plus, on voit encore plus le geste et une espèce d'expression derrière, mm-hmm. derrière le geste. Mais oui, pour tous les goûts, parce que dans nos visiteurs, on a autant des jeunes enfants, 2, 3, 4, 5 ans, jusqu'aux aînés. Donc, on a vraiment le... Et les gens vont pas nécessairement, évidemment, nommer leur œuvre préférée. Donc, il n'y en a pas une qui ressort du lot, mais on arrive à en avoir vraiment pour tous les goûts parce que les enfants vont avoir un intérêt pour quelques œuvres, les adultes, ça va être d'autres. Donc, on a vraiment l'impression d'en avoir pour tous les goûts, effectivement. Et comment on a réussi justement à mettre la main sur ces œuvres-là qui, en temps normal, sont au Musée contemporain de Montréal pour ici, à Trois-Rivières? Oui, bien, dans le fond, c'est une offre d'exposition itinérante. Donc, nous, on a voulu l'accueillir, mais évidemment, ça prend du temps. on a travaillé sur ce projet-là depuis 2 ans et demi, là, donc avant l'arrivée de l'exposition. OK. Puis c'est sûr, ben ça implique demande de subvention, réponse négative, positive, ouais, en tout fait. Et tout ce que ça a. Puis l'avantage de l'expo, nous, ce qu'on aimait, c'est qu'on donnait vraiment l'opportunité aux gens de la région d'avoir accès à des œuvres comme ça, sans nécessairement avoir besoin de se déplacer à Montréal ou à Québec, par exemple. Et on voulait aussi, par ça, parce que nous, dans notre mandat, c'est la démocratisation de l'art contemporain, donc on souhaite vraiment donner des clés de lecture, une base, en fait, de comment apprécier ou du moins lire les œuvres abstraites, si je peux dire comme ça. Et on le fait avec les visites guidées, l'audio guide. Donc, on a des activités éducatives aussi, des activités familiales. Donc, ça nous amène... les gens en profitent vraiment et ça leur permet d'avoir vraiment une bonne... des clés de compréhension là, pour bien apprécier les œuvres. Puis après ça, ben, ou du moins les comprendre. Oui, bien. Et après ça, pouvoir retenir certains éléments là, pour les prochaines visites là, chez nous ou ailleurs. Mais justement, vous nous parlez que vous le faites un petit peu sur la visite qu'on peut faire là-bas. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques trucs, justement, pour pouvoir reconnaître l'œuvre d'un art abstrait comme celui-là? Comment lire une œuvre abstraite? Bien, les meilleures personnes, je vous dirais, ceux qui ont une lecture vraiment sans référence, c'est les enfants. OK. Les enfants voient vraiment... ce pourquoi l'œuvre existe, dans le fond. La couleur pour la couleur, la forme pour la forme, la texture pour la texture, le geste pour le geste. Les enfants ne vont pas aller chercher qu'est-ce que l'artiste a voulu dire, qu'est-ce que l'artiste a voulu faire, qu'est-ce que l'artiste a voulu montrer, qu'est-ce que l'artiste... Bon, etc. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Ils ont vraiment une lecture, là, c'est ça, vraiment plus naturelle, je dirais, plus spontanée. Puis souvent... leur regard qu'ils donnent sur l'œuvre d'art, que ce soit une œuvre d'art abstraite ou autre, ils ont une bonne base de la lecture. On dirait que ça se perd avec le temps. Ouais. Je dirais de mettre nos regards, de prendre notre regard d'enfant, là, je pense que ça peut faire toute la différence. Est-ce que ça serait justement parce qu'on essaie de tout le temps trop chercher trop loin en regardant une œuvre abstraite? Effectivement. Ouais. Ouais, je dirais ça. Parce que des fois, la volonté, exemple, si on pense à certains artistes qui ont voulu vraiment, ça, dans le fond, on les appelle les deuxièmes plasticiens dans l'expo, ceux, ils ont vraiment voulu utiliser, venir jouer avec les perceptions visuelles. Okay. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Donc, c'est les formes, la couleur, d'avoir une couleur franche, d'avoir un quand on applique la couleur, il n'y a pas de relief nécessairement. C'est très en aplat, comme on dit. Donc, on ne joue pas dans les textures là, de ce côté-là pour cette exposition? Non, pas de ce côté-là. Bien, certaines œuvres dans l'expo, mais cette section-là, non. Et eux, ils ont vraiment voulu mettre en œuvre, si on veut, le mouvement. Les relations des couleurs entre elles, donc pour ce qu'elles sont. Donc, notre œil va vraiment faire le travail à notre place, si je peux dire, de voir apparaître, disparaître ou même bouger certaines formes là, dans le tableau. Puis du côté du centre Raymond Lanier, bien, vous le disiez tout à l'heure, l'achalandage a comme doublé avec cette exposition-là. C'est une très bonne nouvelle, ça veut dire? Bien sûr, c'est sûr qu'on est vraiment contents. On espère que les gens vont continuer à revenir nous voir parce qu'après le Musée d'art contemporain, on a d'autres expos. Oui, c'est ça, on a des expos à l'année. Toujours gratuit, évidemment, mais c'est ça, on a vraiment développé un programme aussi d'animation et d'activité. Puis toutes les informations sont sur notre page Facebook. Excellent. Du 26 février, donc ça fait déjà quand même un petit bout, jusqu'au 21 mai. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'une exposition peut durer aussi longtemps? En fait, c'était la volonté, comme le travail a été quand même assez long. Okay. On voulait, d'habitude, c'est comme cette période-là et deux périodes d'exposition habituellement. Okay. Là, on en a, on l'a allongé expressément pour donner la chance aux gens de un peu plus longtemps de venir, mm-hmm. De venir la voir. Mais c'est ça, c'est sûr qu'il ne faut pas attendre la dernière journée, mais il faut vraiment passer. Il n'y a pas de limite de temps de visite. T'sais, ça peut être juste 5 minutes, comme une heure, comme 2 heures. Je veux dire, c'est vraiment, on accueille les gens, puis c'est vraiment leur feeling et leur le temps qu'ils ont à passer. Il faut juste qu'ils soient ouverts, disponibles. Oui, c'est voilà. Ça. J'en allais vous demander, justement, est-ce que vous avez remarqué le temps que les gens passent en temps normal? Est-ce que les gens semblent rester beaucoup plus longtemps ou tout simplement trop rapide, c'est trop abstrait? Je dirais que les gens restent plus longtemps et reviennent. Parce que il y a 35 œuvres de 30 artistes différents. Puis à un moment donné, c'est sûr que ça dépend de l'âge aussi, mais il y a certaines œuvres qui vont amener plus d'émotions que d'autres aussi pour certaines personnes. J'ai vu une dame devant l'œuvre de Bordua vraiment pleurer. Ouais. Oui, c'est ça! je pense que des fois, il y en a aussi qui trouvent que c'est trop pour la première fois. Donc, ils reviennent et reviennent encore. Puis, on est bien contents. Je veux dire, on compte pas les tours. Mais non, certainement. Dites-moi, le centre d'exposition Raymond Lagnier, c'est situé où? À la Maison de la culture, donc en haut de la bibliothèque municipale, Gatien-Lapointe. À gauche. On est en face de la salle Anaïs Allard-Rousseau. Excellent. Puis, dites-moi, pour pouvoir justement décider d'aller voir cette exposition-là, est-ce qu'on doit débourser quelque chose? Est-ce que c'est gratuit? Comment est-ce que ça se passe d'aller voir une exposition? C'est gratuit, gratuit, gratuit, en grosses lettres majuscules. C'est toujours gratuit, dans le fond. C'est ouvert à tous. Et de quelle heure à quelle heure est-ce que c'est ouvert? Parce que le Centre Raymond Lagnier, c'est pas tout le temps ouvert. On est ouvert du mardi au dimanche de midi à 17h. Excellent. Donc, on peut aller voir ça n'importe où, n'importe quand on veut, avec n'importe qui. En fait, ça va vraiment aller rejoindre un vaste public. Mais merci beaucoup, Mme Levasseur. Ben, merci. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à ajouter? Ben, on a une activité pour les enfants, une activité familiale gratuite en supplémentaire le 20 mai à 10h. Il nous reste encore quelques places si jamais ça intéresse. Et ça va porter sur quoi? C'est l'exploration en peinture. Donc, c'est pour vraiment familial, c'est parents-enfants. C'est 7 ans et plus. C'est vraiment une super belle activité. Ah, c'est le fun, ça. Merci beaucoup de votre visite. Merci. C'est fou. La première, apparemment, pour le Centre Raymond Lagnier. Alors, je suis vraiment très contente. Merci d'avoir été avec nous. Et bien, comme vous le disiez, c'est un petit peu plus vaste, le côté abstrait. Ça peut être porté, ça peut porter les gens un petit peu partout. Alors, j'ai décidé de vous offrir Galaxy de Jen Grant. Et au retour, eh bien, on va parler rêve et but un petit peu. Running through the tricks of time, out on the road, screaming like my lungs on fire. Do you see me laughing with my love wide-eyed? Thought made of everything gets in a tie. Why not we made up? Crisscrossing out of luck, tears keep falling. I say my dreams are out of touch. For us, my baby keeps me on the good stuff. And then here we are, even when it's in the fire. And there's a galaxy of us there. standing hot and low, and there's a galaxy of us that shines, and I hear you calling me home. Jen Grant avec Galaxies. Je vous disais qu'on allait parler un petit peu de rêve parce que c'est drôle, l'entrevue qu'on vient d'avoir avec Mme Levasseur du Centre Raymond Lanier m'a fait penser justement que l'abstraction des œuvres d'art, bien souvent, ça peut nous amener à rêvasser. Mais je veux surtout parler de la différence entre les rêves et les buts. Qu'est-ce que c'est? Bien, je ne sais pas si vous le savez, vous. Je ne sais pas si vous vous posez parfois la question, mais quelle différence est-ce que vous faites entre vos rêves et vos objectifs? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette fameuse question-là? C'est quoi vos rêves? Et par la suite, c'est quoi mes buts? Quels sont mes objectifs? Prenez le temps d'y réfléchir un petit peu. Moi, ça m'arrive quand même assez souvent. Et un rêve, en fait, c'est quelque chose à laquelle vous pensez souvent. Vous vous parlez en termes de « j'aimerais faire ça »,« ça serait bien si je pouvais être comme ça »,« j'en rêve ». Donc, les rêves, en fait, c'est comme des envies, c'est comme des souhaits qui sont en nous et qui vivent au travers aussi de paroles et de pensées. Donc, si on n'en parle pas, bien, les rêves existent tout simplement pas. Un objectif, c'est comme un rêve que l'on met en place, qu'on agit pour le rendre réalité et on se pose les bonnes questions. Par exemple, qu'est-ce que je désire? Quels sont mes rêves? Mes souhaits véritables? Pourquoi ce rêve-là? Et qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc, une fois toutes les questions posées, on va aussi essayer de savoir si ce rêve-là se correspond vraiment à nous. Est-ce que ça va nous mettre en place, par exemple, un plan d'action? Est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait de nos objectifs et des sous-objectifs aussi afin de donner justement à notre rêve toute sa réalité? Et est-ce qu'un rêve prend toute sa réalité dans nos pensées alors qu'un objectif, lui, peut prendre toute sa réalité au travers de nos actions? Donc, pour rendre nos rêves réalité, est-ce qu'il faut dépasser notre fameuse zone de confort et ne pas avoir peur de l'inconnu? Bien, je pense que oui, un petit peu. Et si on regarde ça, les rêves, bien évidemment, ça se caractérise par un ensemble de phénomènes qui se produisent en temps normal au cours du sommeil. Donc, les êtres humains, tu sais, on parle vraiment du rêve, là, le rêve quand on dort. Et les êtres humains, bien, c'est comme certains animaux, en fait, sont aussi absorbés par un flot de sensations, d'images, d'émotions, au point de leur donner le sentiment d'être éveillé et de participer à différents événements. Donc, chez l'être humain, il se distingue quand même de l'hallucination et de la rêverie qui, eux, sont quand même vécus à l'état éveillé. Donc, le nom scientifique de l'étude des rêves, c'est l'onirologie. Et je me suis quand même penchée un petit peu sur l'étymologie du mot rêve. Le mot rêve, en fait, ça apparaît vers la fin du 17e siècle lorsque le verbe rêver commence à supplanter justement le verbe songer au sens de faire des rêves dans son sommeil. Donc, le rêve, le verbe, en fait, anciennement orthographié resver, R-E-S-V-E-R, bien, on a endossé plusieurs significations qui semblent quand même avoir un commun, le thème de l'évasion. Donc, au début du 12e siècle, on pouvait signifier délirer sous l'emprise d'une maladie. Puis par la suite, ce fut employé au sens de radoter, donc qui lui-même revêtait initialement la notion de maladie en moins mentale. On parlait aussi de tromper pour progressivement arriver à une phase où ça c'était assez différent et où c'était utilisé au sens de réfléchir, de imaginer. Et on a vu aussi raver qui a pu exister en même temps avec le substantif de ravaison ou de ravaiser au sens d'extase, donc se reposant d'une attaque, par exemple, de soldats et tout ça. L'origine du rêve, en fait, la croyance à l'origine divine des songes est universelle. Et il y a des découvertes archéologiques qui témoignent justement que les Égyptiens croyaient qu'un rêve pouvait révéler l'avenir et avaient recours à des clés des songes. Donc, c'est pourquoi, parfois, je me pose la question: c'est quoi la différence entre les rêves et les buts? Parce que selon moi, un rêve est quelque chose de quasiment inatteignable. Le rêve, c'est, si on parle vraiment du rêve quand on dort, c'est également important dans les pratiques chamaniques. Par exemple, la croyance la plus répandue chez tous les peuples sibériens, c'est que la vie du corps dépend de l'âme. Donc, on garde une certaine autonomie. On peut s'évader pendant la phase du sommeil et le rêve témoigne justement de cette fameuse petite évasion-là. Et l'absence temporaire et sans danger condition justement que le rêveur soit pas brutalement réveillé. En guise d'exemple supplémentaire, si on parle par exemple chez les Xanmansi, on dessine un tétras sur les berceaux des jeunes enfants, des nourrissons, justement pour que l'âme de celui-ci s'en aille pas trop loin. Donc si on se fait prendre par les esprits par exemple, eh bien la mort du nouveau-né va être inéluctable à moins que justement le chaman n'intervienne à temps, et cette absence d'âme peut aussi être attribuée à d'autres êtres proches du rêve, comme par exemple l'ivresse, la maladie ou encore la folie. Le rêve fait partie quand même de plusieurs places dans le Moyen-Âge, dans la religion. On en entend parler beaucoup, mais on a aussi des interprétations qui sont quand même assez modernes. Donc, la période moderne est caractérisée par une profusion d'études, justement, sur le mécanisme onirique et pour le développement des théories, qui soient, par exemple, biologiques ou métaphysiques. On se distingue de deux symboles, donc ceux qui sont sexuels, qui évoquent soit les parties génitales des hommes et des femmes, qui sont somatiques, qui renseignent justement sur l'état physiologique du corps. Et selon Freud, bien le véritable découvreur du symbole onirique, il y a plusieurs personnes qui rêvassent justement juste de ce côté-là. Il y a plusieurs interprétations modernes du rêve, mais ce que je voulais surtout vous amener, c'est l'interprétation qu'on a nous-mêmes du rêve versus nos buts. Il y a 10 différences fondamentales, en fait, entre les buts et les rêves. Je ne sais pas si vous entendez peut-être que nos rêves se réalisent et changent le cours de notre vie, mais les rêves, selon moi et selon plusieurs personnes, selon mes recherches, eh bien, ne se réalisent pas. Et c'est ce qu'a écrit d'ailleurs Craig Jarrow sur Time Management. Ce sont vos buts qui sont susceptibles de changer votre vie et non pas vos rêves. Donc, pour aboutir à vos rêves, il faut vous fixiez des objectifs. Par conséquent, évitez de confondre rêve et objectif. Les rêves sont faciles et ça coûte rien, mais ce sont que des rêves. Ils relèvent justement de l'imagination et ça produit aucun résultat tangible. Vous allez devoir transformer en action pour justement arriver à certains buts. Donc, si on regarde les dix grandes différences entre les rêves et les buts, bien, le premier, c'est que les buts ont une échéance. Donc, les buts dans la vie doivent avoir une date limite, ils doivent avoir une limite temporelle et les rêves peuvent durer éternellement. Il y a nombreuses sont les personnes qui ont des rêves durant toute leur vie, mais qui ne les réalisent jamais. Donc, vous pouvez influencer vos buts via vos actions. Si on parle aussi des rêves, eh bien, les rêves sont gratuits. Les objectifs, la plupart du temps, vont avoir un coût. Alors, si vous êtes loisible de rêver de manière gratuite, par contre, si vous pouvez atteindre vos buts sans nécessairement tout le temps essayer de dire que ça va être gratuit, eh bien, vous ne pourrez pas atteindre vos buts sans avoir le temps, sans dépenser de l'argent, sans effort et évidemment sans sueur. Donc, il y a un prix qui est destiné à la réalisation de vos objectifs, de vos buts. Le point numéro 3, c'est que le but produit justement des résultats. Les rêves, non. Si vous voulez changer le cours de votre existence, votre rêve ou encore votre rang, vos buts peuvent vous aider. Et avec les rêves, tout suit son cours et il n'y a rien qui va changer. Les buts sont basés sur la réalité, donc les rêves sont imaginaires. Vous pouvez quand même rêver d'être Superman et ça n'arrivera jamais, tandis que les buts vont consister, eux, en certaines choses auxquelles vous allez pouvoir vraiment aboutir et ils vont être basés sur votre réalité. Les buts ont aussi une ligne d'arrivée. Les rêves ne finissent pas, donc ils peuvent durer éternellement et les objectifs, eux, ont un résultat qui va être spécifique. Si on regarde le point numéro 6, eh bien, les rêves peuvent être une source d'inspiration. En effet, les buts peuvent changer votre vie, les rêves peuvent vous motiver, vous inspirer, mais les buts peuvent modifier votre vie pour toujours en ayant ce plan d'action-là. Donc, les buts doivent être focalisés, bien évidemment. Évidemment. Et les rêves, non. Les rêves peuvent changer, ils peuvent être finalement des pensées à la dérive, tout simplement, mais les buts doivent être centrés sur un point qui va être spécifique et où vous allez justement... Vous allez mettre tout votre temps, vous allez y mettre votre pensée, vous allez avoir toujours l'esprit à votre but. Et pour atteindre vos objectifs, il va falloir travailler dur parce que les rêves ont juste besoin de votre imagination et rêver, bien, c'est quand même assez facile. Donc, les rêves vivent de votre imagination, les objectifs ont besoin de votre personne, tandis que les rêves, eux, aboutissent souvent à, justement, des endroits peu importants, tandis que vos buts vous aident à être beaucoup plus grands. est le point numéro 10 de la liste des secrets ou des différences plutôt fondamentales entre les buts et les rêves, c'est que la réalisation de vos buts peut prendre des années. Ces buts peuvent justement vous aider à maintenir et à matérialiser l'objectif de vos rêves, mais ça va prendre des années avant d'y arriver. Donc, il y a quand même plusieurs articles qui traitent de ces sujets-là. Je trouvais ça drôle parce qu'on me dit souvent « Ah ouais, fait que c'est quoi tes rêves? » Et c'est rare que je dis que j'ai des rêves. J'ai plutôt des buts parce que je mets toujours en optique que je vais pouvoir travailler pour arriver à quelque chose et que je vais mettre en fonction mes capacités pour justement arriver à ce que je veux. Alors, c'est rare que je vais dire que j'ai un rêve. Mais établir des objectifs, c'est un petit peu la clé de la réalisation dans tout ça, c'est de définir justement nos buts en répondant à la question « qu'est-ce que je veux faire vraiment et quelle attitude est-ce que je dois adopter? » Donc, notre capacité à définir, à clarifier et surtout à structurer nos objectifs et à les visualiser, eh bien, ça va nous permettre de les atteindre. Et si vous voulez partir, par exemple, faire un grand voyage, vous allez devoir justement choisir votre mode de transport, vous allez préciser une date de départ et vous allez faire vos bagages en fonction de la destination et même du moyen de transport choisi. Donc, c'est un petit peu la même chose, c'est qu'avec vos buts, avec vos objectifs, vous allez vous mettre un plan d'attaque sur lequel vous allez pouvoir passer, par exemple, plusieurs temps à travailler pour justement arriver à la... quasiment à l'obtention de vos rêves, mais en sachant très bien que vous avez tout simplement travaillé extrêmement fort pour y arriver. Ce que je trouve quand même beaucoup... mieux que de tout simplement dire que vous avez des rêves. On va aller écouter une pièce musicale qui est Les Deluxe avec Diable du printemps et au retour, David Ferron va être avec nous. Tu chantes dans le même registre que je n'entends toujours pas. Entends mon fiel comme une promesse, non pas d'amour mais de détresse. Ma rage est une arme de guerre qui n'attendra pas tes prières. Pour te renvoyer en enfer. vous avez entendu la pause parce que j'ai décidé de prendre quelques minutes d'avance. C'est tout simplement parce que mon application sur mon ordinateur ne fonctionnait plus non plus. Mais David Ferron est en studio avec moi. Bon matin, David. Ben bon matin, Tania. Ça va bien? Oui, mais je me sens un peu buggé dans la tête, moi aussi. Mais... Oui, hein, on se courait un peu à savoir qu'est-ce qui se passait avec notre application. Mais bon, tout est sous contrôle. On est de retour en onde, donc ça va bien. Ah oui. David, t'as décidé ce matin de nous présenter une carte bleachée parce que tu l'as pas fait le mardi. On a présenté le Zone Campus. Ah oui, c'est vrai. Puis on s'est dit pourquoi pas le faire jeudi. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Ben, je vous présente trois chansons. Je ferai pas une trop grosse présentation pour chacune. Je vais laisser la musique parler d'elle-même. Oh, c'est si bien dit. Ah oui, je le sais. Pleure, Tania, pleure. C'est ça. Pleure ta vie. Donc, c'est trois genres assez différents. En fait, il y en a deux qui sont un petit peu plus rock, avec un petit peu de blues dedans. OK. Un petit peu. Puis l'autre, ça va être un peu plus, je dirais, pop dépouillé. C'est pas pop bonbon, mais c'est très beau. OK. Ça s'appelle River, la toune. Ah, excellent. Donc, t'es prêt pour ta carte bleachée? Ouais. OK, on part ça là. C'est de la pop bonbon. Mais c'est pas ça qu'on va écouter à matin. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu nous présentes? Je vais vous présenter la première chanson. C'est très dur à dire, c'est un exercice de diction. Ça s'appelle Sobour. Ça, c'est facile à dire, mais c'est le groupe, c'est Song High Blues. OK, ben tu l'as bien eu. Ben merci beaucoup. Ben ça fait plaisir. Donc, c'est un groupe malien qui est décrit comme un groupe de punk désertique blues. OK. Et c'est un groupe, il y a un petit peu de... En fait, il y a pas nécessairement de Gorillaz, mais il y a un lien entre le groupe Gorillaz et ce groupe-là. Ah ouais? Ouais, Songhai Blues. Parce que Damon Albarn, c'est un amoureux de l'Afrique. Surtout du Mali. Il a fait des albums avec un orchestre malien, un moment donné. OK, je savais pas. Et c'est quelqu'un qui se rend souvent... Même, mettons, Gorillaz, le dernier album, pas celui qui va sortir bientôt éventuellement. Ouais. Mais... celui de Plastic Beach, il y a quand même une sonorité un peu d'origine africaine, Afrique de l'Ouest. Là-dedans, c'est quelque chose qui était visible au cours du milieu des années 2000-2010 chez Damon Albarn. Mais lui, il est allé avec une délégation américano-européenne pour trouver un groupe ou un artiste malien ou africain. Et ils ont passé des auditions et c'est Songhai Blues qui a charmé Damon Albarn et la délégation. Donc, ce qui est arrivé après ça, c'est qu'ils ont pu... par la suite avoir une production en fait c'est assez prestigieux, faut que c'est Nick Zimmer qui est en fait c'est Zig Zinner des Yeah Yeah Yeahs qui est le producteur de l'album. Mm-hmm. Et c'est quand même une bonne sortie parce qu'il y a eu l'aide aussi de Julian Casablancas qui est le leader et chanteur de The Strokes qui a permis à l'album de sortir aux États-Unis, l'album qui s'appelle Music in Exile, qui est sorti en 2015. OK, cool. Donc, il y a quand même quelque chose de très bien produit là-dedans. C'est très entraînant aussi. Il y a l'identité du groupe avec le côté très professionnel qu'on va pouvoir entendre. Après ça, ça va être Fire de Bette Ditto. Oui, Bette Ditto. OK, phew, j'avais peur de mal tu dire. L'as eu, tu l'as eu, David, tu l'as eu. On dira pas ce que j'ai dit hors d'onde. Donc, mais c'est échappé, c'est pas voulu. Donc, Bette Ditto, c'est la chanteuse de Gossip qui a eu un hit il y a quelques années avec Heavy Cross. Bette Ditto s'est commise dans le soul il y a quelques années. C'était très, très électro. Là. C'est très, très... on dirait une toune de catwalk, je peux dire ça comme ça. Là. Mais là, elle s'en va dans quelque chose de plus rock. Même l'intro, c'est très blues comme intro de Fire. C'est un changement à 180 degrés, comme on peut dire. OK. Et ça permet aussi, je trouve, de mettre plus sa voix. On dirait qu'il y a quelque chose de très sensuel. Je dirais même pas, j'allais dire, un peu glouton dans le sens que très sensuel. C'est très... Okay. La voix et la musique et tout, c'est... Ça donne pas le goût d'avoir froid. Ah, OK. C'est bon, je comprends ta métaphore. Donc, je vous laisse votre imagination. Tu parlais des rêves tout à l'heure, mais c'est ça. Je laisse c'est à bon. Vos rêves. Et le dernier, ça va être un duo. C'est EBI. Ça, c'est des sœurs jumelles, Lisa et Naomi. OK. Donc, c'est un duo franco-vénézuélano-cubain. Hey boy! En fait, c'est un groupe, si je ne me trompe pas, originaire... En fait, parce que leur mère est vénézuélienne et leur père, est cubain. Ah, donc, d'accord. C'est pour ça qu'ils ont un côté français aussi. Je pense qu'ils ont habité en France sûrement une partie de leur vie ou qu'ils habitent là, je ne sais pas trop. Mais leur album, en fait, leur disque, leur maison de production, c'est XL Recording. XL Recording, ça, c'est... En fait, une maison de production qui abrite des nobody comme Adele. Là, ça, les gens pensent au pire quand je pense à Adele, mais non, vous allez voir, ça va être très bon. Il y a également Gorillaz, justement, tout est dans tout. Jack White, il y a également M.I.A., il y a Moby, Prodigy, Radiohead, Cigarettes, bref, des nobody. Ah ouais, c'est ça, des gars, ils ont jamais fait de carrière, eux. Non, eux autres, ils rushent encore, tu sais, ils ont des trucs qui traînent vraiment caca sur SoundCloud, exact. Mais c'est sûr qu'eux, on les trouvera jamais à Coachella. Ils savent pas de quoi qu'ils parlent. Exactement, ils parlent à travers leur chapeau. C'est ça. Donc, on va pouvoir écouter ces trois belles tunes-là. OK, oui, on va faire ça immédiatement pour ne pas manquer de temps parce qu'on veut absolument voir de quoi tu nous as parlé. Alors, on commence avec Sober de Songhai Blues. Yeah! We'll be right back. this feeling in my bones. Felt like a fever, came on like a storm. What I felt that can't be helped no more. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my love. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my love. Swift as a river, with a head as hard as stone. What's hard as hell, the same will leave you cold. I'm a believer, my word's as good as gold. Walk on a fine line, might not meet a home. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my love. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my love. To your river, I will come to your river. river, wash my soul. I will come to your river, wash my soul. I will come to your river, wash my soul again. Carry away my old leaves, let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints, let the river take them, river drown them. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. David Ferron et sa carte bleachée, représente-nous ce qu'on vient d'entendre. C'est magnifique. J'ai adoré le bloc musical que tu nous as préparé ce matin. Ben, je suis content de savoir ça. Donc, ce qu'on vient toujours d'entendre, c'est le duo. En fait, ce sont les jumelles qui forment le groupe IBI. C'est la pièce River. Et la langue qu'on a entendue à la fin de la chanson, c'est le Yoruba, qui est un dialecte qui est parlé au Nigeria, au Bénin et au Togo, qui a été après ça importé à Cuba. Ouh, excellent! Oui. Et les deux autres? Fire de Beth Ditto. Et on a commencé le trio avec Sobo, qui a été chanté par le groupe malien Songhai Blues. Excellent. Merci beaucoup, David, d'être venu ce matin pour ta carte bleachée. Est-ce que tu restes avec nous? J'aurais bien voulu, mais malheureusement... je dois quitter. Mais, exactement. Mais je vais dire quand même un salut à Mathieu s'il est là autour de nous. Ouais. Sinon, ben, s'il nous écoute, ben, salut Mathieu. Mais de quoi tu parles? Est-ce que Mathieu est avec nous? Oui, je suis là. Allô. On dirait que c'était prévu. Ça va, David? Ben oui, toi? Oui, super. Maintenant, va-t'en. Bon, ben, je te salue pas. Ben non, c'est le fun que tu sois là. C'est cool, ça rajoute un petit saveur à l'émission. Puis en plus, ben, c'est vrai que c'était bon, IBI. Je suis rendu un fan. À vous, moi aussi. Super. C'était vraiment bon. Ben, merci, David. Bienvenue, au revoir. Au revoir. Au revoir. Mathieu, bon matin. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Et toi? T'es en forme encore aujourd'hui. Moi, ça va aussi, mais j'ai trouvé vraiment que pour une fille qui est enrhumée, ouais, c'est de l'affaire. Ah, merci, c'est gentil. Ouais, c'est David, Mathieu, est-ce qu'on saute à pieds joints dans ta chronique? Allons-y, c'est une grosse pointe en dresse. Si on se patte! Ouh là là! Édition spéciale. Oui, absolument, parce que d'habitude, tu sais qu'on goûte à quelque chose en studio, même qu'on l'a fait la semaine passée alors que j'étais chez moi. Oui. Cette semaine, ben, quand même, on n'a pas de produit. Je me suis dit, comme on le fait, ben, j'ai fait une fois à date, mais une fois de temps en temps, peut-être une fois par mois, j'ai envie de plancher un paquet de spotted, donc des produits que peut-être qu'un jour on pourrait goûter au Canada, au Québec, ou sinon peut-être c'est faire soi-même ou prendre des produits qui existent déjà et se les modifier. Donc, se donner une inspiration alimentaire. Quelle bonne idée. On commence avec, et là j'ai vraiment des liens là-dedans qui datent, là, c'est des produits qui datent de peut-être tout automne ou cet hiver, mais en rafale. Donc on commence avec les Reese's Puffs, tu connais les céréales Reese's, en Au lieu d'habitude, on dirait des côtes de lapin. Oui. Mais ça goûte le beurre de pin. Ici, on parle de Spring Edition. Donc, tu sais que depuis quelques années, on arrête de dire Pâques dans les produits. D'habitude, c'est édition printanière, édition c'est fin vrai, d'hiver. Hein? C'est l'histoire de religion derrière tout ça. Ben, c'est ça. Mais on a quand même des lapins. Donc, c'est Reese's Puffs, édition printanière. C'est ensemble de lapins. C'est les mêmes céréales que d'habitude, mais des petits lapins. Tant qu'il y a avoir des côtes de lapin, on peut même mettre des formes de lapin. Hein? Ben, c'est ça, tu sais. Alors, on reste en sucré avec les Cheetos, Sweetos. Donc, c'est des Cheetos, mais qui sont sucrés au caramel. C'est des caramels puffs. OK. Chez Target aux États-Unis. Ça a l'air super bon. Moi, j'y goûterais. Là. C'est vraiment comme des Cheetos normales, mais sucrés. Ça a l'air bon. OK. Fait qu'il n'y a pas de goût, mettons, d'orange, là. Non, c'est vraiment un mal d'orange. Ça goûte le d'orange. De fromage, excuse. Pas de fromage, non. Ça goûte le caramel à la place. Ah, OK. Bon, ben, ça doit être bon dans ce cas. Ben, moi aussi, je pense ça. Puis même que s'il y avait des moitié-moitié sucré-salé, un petit peu de caramel, un petit peu de fromage, un peu comme le popcorn. Oh, style, ça serait pas pire, hein? Ouais, ça serait bon. Ensuite, les Butterfinger. Tu connais la barre de chocolat Butterfinger? Oui. Ouais, bon, ben maintenant, il y en a des Peanut Butter Crisp Bar. Ooh. Donc, c'est des barres qui ressemblent à des barres gaufrées, si on veut. Et puis, à l'intérieur, tu as ce qu'il y a dans une Butterfinger, mais plus croustillante. Donc, c'était, encore une fois, aux États-Unis, à la saveur de crème de Butterfinger avec des morceaux de toffee dedans. Ça a l'air super bon. On sait qu'il y a des centaines de sortes d'Oreo. Là, depuis les dernières années, Nabisco aux États-Unis se force à faire le plus de saveurs hétéroclites possible. Maintenant, il y a des Oreo au feu d'artifice. Ça ne coûtera pas, évidemment, le feu d'artifice. On s'entend. Mais il y a du popping candy dans les Oreos. Oh, miam! Ça a l'air malade. Et ça date, c'est quand même récent comme article, donc j'imagine que ça doit être disponible en ce moment même. C'est une édition très limitée pour Oreo au popping candy. Donc, tu le manges, puis ça te chicote dans la bouche. Ah oui, hey, j'adorais ça, les bonbons de même, là, quand j'étais jeune. Là. Oh. Pas trop souvent, mais c'est bon. Oui, non, c'est pas trop souvent, mais c'est le fun, parce que ça fait... T'aimes pas la liqueur, mais t'aimes les popping candy. Ouais, c'est ça. C'est un peu spécial. Ensuite, les œufs Hershey, mais avec des morceaux de bretzel dedans. Ah ouais? Des petits œufs Hershey, là, oui, mais avec des morceaux de bretzel, ça va être super bon. Ça, c'est chez Macy's aux États-Unis. J'aimerais ça goûter à ça. Des morceaux de bretzel, c'est bon vrai? Dans tout. As-tu goûté au M&M avec des morceaux de bretzel? Oui, hey, c'est vraiment bon. Ouais. Ensuite, on reste chez Cadbury, en fait, pour d'autres sortes d'œufs, mais c'est des mini-eggs à la crème et au croquant au chocolat. Chocolate Crunch and Cream. Oh my God. Ça a l'air bon. Ça a l'air vraiment très bon. Pour vrai, là, celui-là, je l'aimerais très, très beaucoup aussi. Donc, c'est une version des œufs Cadbury qu'on retrouve au Canada, mais encore plus existant ici aux États-Unis, parce que, ben, pas ici aux États-Unis, mais ici, dans ce cas-là, aux États-Unis, à cause des morceaux de chocolat croquant. Ensuite, Ruffles. On connaît Ruffles et on connaît leurs chips, leurs croustilles qui sont cuites au four. Maintenant, il y en a chez Walmart aux États-Unis à saveur d'ail rôti et ranch. Ah, oh, ouais! Ça a l'air bon, ça. Chez Ben & Jerry's, la crème glacée, il y a une sorte qui s'appelle American Dream, inspirée de l'humoriste américain Stephen Colbert. Et bien maintenant, Ben & Jerry's fait plusieurs versions de leur crème glacée en barre glacée, en espèce de... Tu sais, un peu comme les Pocs, les rondelles de... C'est quoi le nom déjà des Pocs qu'on achète tout à l'indépendant d'un congélateur, en tout cas? Je me rappelle plus du nom. Mais donc, des petites pâtes, des rondelles avec à l'intérieur de la crème glacée. Il y en a de plusieurs sortes, dont Vanilla Peanut Butter Cup, donc pain d'arachide et vanille. Il y a brisure de chocolat et comment t'appelles ça, de la pâte à biscuits. Il y a chocolat et fudge brownie. Donc, ça s'appelle les Ben & Jerry's Pint Slices. J'aimerais ça voir ça ici, parce qu'ici, on a les crèmes glacées Ben & Jerry's dans plusieurs endroits. Ben oui. Mais pas encore les petites rondelles. C'est vrai. Une autre chose qu'on a ici, mais qu'on n'a pas cette saveur-là, c'est les Toaster Strudel de Pillsbury. Ils ont une édition limitée à la cassonade. Hey, il y en a déjà... Ben, je sais pas si c'était des Pillsbury, là, mais il y en a déjà eu de ça à la cassonade. Ah. Mais je pense que ça a duré comme 2 semaines. Pour vrai. Il y en a ça, puis des Pop-Tarts, la cassonade, c'est bon. Ah oui, vraiment. Les Shreddies de Post, c'est pas mon genre de céréales du tout. Là. Ça ressemble, c'est un petit peu comme ce qu'il y a dans les Méli-Mélo. Sinon, ça goûte le bois ou je sais pas trop quoi, le carton. Mais les Shreddies à saveur de pain aux bananes, ça pourrait être bon. Ah, miam! Et ça, c'est disponible au Canada, celui-là. Donc, je te le dis quand je m'en rends compte. Là, des fois, c'est écrit dans l'article. Donc, chez Walmart au Canada, il y a des Shreddies aux pain aux bananes. Ensuite, toujours au Canada, et ça, ça me surprend parce que je l'ai pas encore vu. On nous dit que c'est... Coop, je connais pas ce magasin-là au Canada, mais j'imagine que c'est pas les seuls à l'avoir, mais on parle de Lucky Charms version Gruyot. Ah, oh, ouais. Ouais, on avait déjà goûté à l'émission à un moment donné à des bartends, Lucky Charms. OK. Donc, j'imagine qu'ils commencent à vraiment s'étendre dans plusieurs catégories de produits. Donc, tu as Lucky Charms, Gruyère Santané et tu as aussi Croque Cannelle. Mais là, ça veut dire que c'est quoi? C'est du gruyot avec des guimauves, genre? Oui, exactement ça. Okay. C'est exactement ça, des mini guimauves qui sont inclus dans un, je crois que c'est dans un petit sac parce que ça dit avec mini guimauve topping. Donc j'imagine que c'est une garniture en petit sac que tu viens rajouter par-dessus ton gruau. Et puis t'as aussi dans la version croque cannelle, c'est des un topping, des garnitures au croquant à la cannelle. Ah, que tu rajoutes oui, yum. Très bonne idée ça, j'adore ça. Ensuite, un autre spotted, c'est des Lay's Poppables. Donc ça, c'est la version chip aérée, si on veut, un petit peu gonflée, qu'il y a de Lay's depuis quelques temps. Et maintenant, ils les ont en version sel de mer et en version cheddar blanc. Oh, miam! Aux États-Unis. Miam! Au Japon, maintenant, on s'en va goûter au Coca-Cola avec gingembre. Eh! Ben voyons, ça doit être bon! Tu te rappelles, c'était quoi? C'était Pepsi gingembre qui avait l'été passé, c'est ça? Je pense que c'est ça, oui. Il me semble, donc Coca-Cola qui fait la même chose. Oui, ça doit être vraiment bon. Ça monte dans le nez encore plus que de la liqueur normale. C'est une expérience à vivre. Ah, ça doit... Ensuite, la marque Kettle Brand, t'as sûrement déjà vu les croustilles Kettle. C'est des sacs très, très épais, en genre de c'est vraiment épais, puis c'est dur à ouvrir, puis il y a pas beaucoup de dents. C'est quand il faut que tu l'ouvres par la fente sur le côté parce que c'est ça qui est trop dur à ouvrir. Mais ils ont une nouvelle saveur qui est patate douce, avec sirop d'érable et sel de mer. Oh, OK. Wow! Et ça me surprendrait pas de voir ça ici, éventuellement, si c'est pas déjà fait. Donc, Kettle Brand, qui sont très populaires, genre, il me semble que c'est dans plusieurs épiceries, et il me semble que j'ai vu ça aussi aux végétariens, je crois, des Kettle Brand. Ensuite, Starbucks, pour les fêtes, là, c'est évidemment passé, de toute façon, il y a bien des produits qu'on peut pas se procurer, fait que ça change pas grand-chose, mais chez Starbucks, on offre le Gingerbread Café Kit. C'était une façon de faire une petite, tu sais, des petites maisons en pain d'épices, oui. Mais tu créais un Starbucks avec ça. C'est très drôle. Très marketing. Avec le logo en avant. Ouais, c'est parfait comme idée donc pour les fêtes. Ensuite, Godiva, la marque de chocolat Godiva, qui nous sort des chocolats inspirés par des biscuits. Donc, Cookie Inspired Holiday Chocolate, c'était pour les fêtes aussi. Donc, tu avais Sugar Cookie Bliss, Chocolate Dip Cookie Bliss et un paquet d'autres sortes de biscuits version chocolatée. Ensuite, tiens, ben, pourquoi pas y aller avec des trucs encore qui goûtent un petit peu le pain d'épices comme les maisons de tantôt de Starbucks. Mm-hmm. On a des épices McCormick. McCormick qui font d'habitude bon sel, poivre et autres. Oui. Ils ont aussi une épice au pain d'épices. Donc, oh, tu pourrais saupoudrer ça sur ton café, ton latte, peu importe. Miam. Ça a l'air super bon. Tantôt, on a parlé de popcorn, le mélange fromage, caramel et popcorn régulier. Il y a une compagnie aux États-Unis qui s'appelle Gaslamp Popcorn Company qui nous sort le Malibu Mix. Donc, c'est du popcorn sucré, du popcorn au cheddar blanc et du popcorn au sel de mer et huile d'olive, les trois mélangés ensemble. Ah, oh, ouais! Ça doit être génial, ça. Vraiment? Fantastique. Sinon, je regarde si j'en ai pas manqué dans celui-là. Non, prochain, on avait... Ah oui, tu sais quand les pages ont 10 produits en même temps? Ouais, c'est ça l'affaire. C'était lequel? Bon, ben je le trouve pas pour celui-là, c'est pas grave. Ensuite, Bunch of Crunch Baking Bits. Tu connais les barres de chocolat Crunch? Oui, ben oui, miam. C'est tellement les meilleurs. Oui, il ne faut pas mélanger avec la crunchy, par contre. Moi, crunchy, non. J'aime beaucoup, c'est la petite éponge. Oui, mais crunch, ça pogne d'aide. Crunchy, c'est avec du riz. C'est vrai. Oui, crunchy pogne d'aide. Bon point. C'est vrai, c'est vrai. Donc maintenant, tu vas pouvoir faire, si tu réussis à trouver ça, des biscuits au crunch. Parce que dans le fond, c'est comme c'est parfait pour faire des biscuits que tu vas faire au four. Et ça va rajouter du croquant. C'est des morceaux de chocolat au lait croquant. Donc, ils vont venir s'insérer dans tes biscuits parce que tu vas mélanger ça à ta... soit à ton mélange normal ou sinon juste utilisé comme pour faire tes biscuits. Donc, okay. Bunch of Crunch Baking Bits. Miam! Miam. Ensuite, Cool Whip. Cool Whip, c'est quelque chose que je suis pas sûr d'être un fan. Est-ce que c'est meilleur que la crème fouettée? Est-ce que c'est moins bon? C'est plus froid, fait que j'aime ça. C'est au congélateur. Je sais pas. Je dirais que pour moi, la crème fouettée, ça goûte tout le temps la même chose. Oh! OK. Ouais, récemment, j'ai su qu'il y avait une différence. Puis qu'il y, ouais. en a une sorte, je me souviens plus si c'est la Cool Whip ou l'autre, mais il y en a une sorte qui est beaucoup plus liquide que l'autre. Oui, tout à fait. Tout à fait d'accord. Puis je sais que Cool Whip vient en spray aussi, en canne. Oui, exactement. Puis puis il l'a aussi en pot de margarine. D'habitude, le pot de margarine, il s'en fond pas mal plus vite dans ma tâche. Je me rappelle pas c'est quoi la règle, mais il y en a un que je préfère. Moi aussi, c'est difficile de se rappeler lequel qui est ton préféré. Mais il faudrait quasiment les faire figer plus d'une journée avant de les consommer. Tout à fait d'accord. Donc, un Cool Whip qui peut être gardé au réfrigérateur pendant 2 semaines, nous dit-on sur le pot, Fridge Fresh for 2 weeks. Sinon, d'habitude, on le met au congélateur. Mais il y a une édition limitée à la Pepperman. Ah ouais? Ça pourrait être bon, ça, à la menthe, Cool Whip à la menthe. Ensuite, toujours dans les Spotted, les M&M double chocolat. Donc, j'imagine que c'est l'intérieur au chocolat et la coquille au chocolat aussi. C'est clair. Je pense pas que ça fasse une grande différence quand tu manges, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai sauté par-dessus quelques trucs. Là. J'avais, les chips Lay's font souvent des concours pour les pour déterminer quelle saveur va rester. Des petits concours de saveurs qui se battent. Et bien, Quaker, les Gruyots, ils font un peu la même chose. Donc, il y a un concours qui s'appelle Bring Your Best Bowl Instant Oatmeal Finalist. Donc, il faut que vous déterminiez votre saveur préférée entre romarin, pomme et cheddar. OK. Ça, c'est une saveur de Gruyot, là. C'est un peu bizarre. T'as vanille chai. Ça sent bien. Et t'as pancake ricotta citron. Ça pourrait être bien aussi. Ah! Tu vois, mais le seul qui me fait grincer des dents un peu, c'est celui avec le romarin. Ouais, moi aussi. Ben, ils disent dans l'autre sens, ils disent pomme, cheddar, romarin. J'ai dit à l'envers, là, mais j'imagine que le romarin ne doit pas être si présent s'il est en dernier, mais je sais pas, j'ai des doutes sur ça. Ouais, moi aussi. Ensuite, tu sais, des Tic Tacs à la tarte aux pommes. Ah ouais? Pourquoi pas? Donc, ça, c'est encore aux États-Unis. Je sais pas si on va l'avoir ici ou c'est peut-être déjà le cas. Ben, je les ai pas vus. Sont brunes, c'est dégueulasse. Quoi? Sont brunes. Oui, c'est un genre de bourgogne brun. Ouais, c'est pas super cute, là. Non, pas tout à fait beau. Ensuite, Sunny se lance dans les boissons énergisantes. OK. Donc, Sunny Lee X Orange Energy. Donc, c'est ça, c'est pas mal. Il est au punch aux fruits, à l'orange. Pourquoi pas? Je sais que les enfants aiment bien le Sunny Lee, mais moi, je trouve que ça goûte vraiment sonique. Mm-hmm. Pour ça, mais ça. Pas sûr. Ensuite de ça, il nous en reste quelques-uns. Il te reste une minute. Oui, c'est ça, les derniers. Donc, Cinnamon Star Crunch, c'est comme les croque-cannelles, sauf qu'ils sont en forme d'étoile, puis ça goûte encore plus la cannelle, j'imagine. Probablement. Pourquoi Star Crunch? Ben, parce que c'est en forme d'étoile. Je trouve pas que c'était nécessaire de changer le nom de la céréale pour autant. Ensuite, celui-là, je l'ai vu et je l'ai acheté et je l'ai aimé. C'est le Schweppes, le Cranberry Raspberry Ginger Ale. Je vous le conseille vraiment. Donc, c'est un ginger ale à la canneberge et aux framboises. Comme j'avais dit, il y a des liens qui sont très vieux là-dedans. Comment? On l'a ici. Oui, on l'a ici, j'ai goûté, j'adorais ça. Yeah. Ensuite, Hershey's Cookies and Mint, donc des biscuits avec de la menthe, un peu comme celui qu'on avait mentionné tantôt. 7-Up nous sort un mélange de 2 saveurs en même temps. OK. Donc, ça dit 2 saveurs ensemble. Sur les canettes, je vois pas les saveurs que c'est supposé avoir, mais il y en a un avec une espèce de monstre vert, un autre avec un monstre brun, puis un autre avec un monstre orange. Donc, j'imagine qu'il y en a un qui est plus... Sunkist, celui à l'orange, c'est marqué Sunkist dessus. Canada Dry pour le monstre vert et IW pour le monstre brun. Ça pourrait être une bonne idée. J'aimerais bien goûter à ça un jour. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de comme 30 affaires. C'est assez. Oui, on a fait le tour de pas mal de choses aujourd'hui, je te dirais. Je voulais enclencher le plus possible. J'ai mis les spotted tout ensemble pour les éliminer rapidement, même s'il y a des trucs un petit peu qui datait là-dedans. Bien, c'est correct, ça. Mathieu, si jamais tu restes en onde aujourd'hui, si jamais tu décides d'écouter la radio un petit peu plus... C'est que ça. Eh bien, sache qu'il n'y a plus de Génie en liberté. C'est terminé. Ils ont fait leur dernière la semaine dernière. Mais par contre, tu vas pouvoir écouter Patriotes en action à partir de 11h. Aussi, il va y avoir la sortie de secours à votre gauche à 15h en rediffusion. Donc, ça va être l'émission de lundi. L'Aube Trotter à 16h et un petit peu plus tard en soirée, eh bien, Très Blues assez fou à partir de 19h. Génial. Hey, merci, Daniel. J'ai hâte de te revoir en studio mardi. Oui, mardi, tu reviens parmi nous. Est-ce que tu as hâte? Oui, j'ai très, très hâte. Et pas d'émission lundi parce que c'est la fête de lundi. Je sais pas comment faire. C'est ça, c'est Pâques. C'est Pâques, Mathieu. C'est Pâques. Merci, Mathieu. À la semaine prochaine. Merci. À lundi. À mardi. Mardi, oui. Et de notre côté, eh bien, comme je le disais un petit peu plus tard sur les ondes, il va y avoir Patriotes en action. Il n'y a pas de Génie en liberté en direct aujourd'hui, mais restez en onde, oui, quand même. Il y a de la musique et il y a des rediffusions d'émissions toute la journée. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, mardi, eh bien, Mathieu, comme ils viennent de le dire, va être de retour parmi nous. Sinon, à part ça, bonne journée et surtout, bon café.